Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Titre composé par les membres du groupe Mississippi Shake et enregistré en 1930 sur OK Records. C'est une chanson qui a été évidemment beaucoup reprise par les groupes de blues, mais pas seulement. En effet, le groupe original, Mississippi Shake, c'était un groupe de blues, de country, de folk, comme vous l'entendez dans la chanson. En mai 1930, Charlie Patton en fait aussi une version avec un changement de parole et qui s'appelle Some Summer Day. Ensuite, d'autres groupes dans cette époque la reprennent. Et puis jusqu'à nos jours, on va en profiter pour découvrir quelques versions. Évidemment, je ne peux pas vous passer toutes les versions. Je citerai simplement Ray Charles, Sonny Terry, Howlin' Wolf, Carl Perkins, Memphis Slim, Cream, qu'on entendra à fin d'émission, évidemment, Johnny Hooker, etc., etc. Quelques groupes français, donc, ont enregistré cette chanson. Et on va commencer par ordre chronologique avec Litfoot Rivet, en 1998, sur un magnifique album intitulé Blues Maniac. she went away. She gone and left me, she wouldn't stay. And now she's gone, but I don't worry, because I'm sitting right on top of the world. C'est Phil Bonin and the Technicians qui reprennent Sitting on Top of the World sur le CD No Drums. Phil Bonin. One summer day, she went away. She gone and left me. She gonna stay. But now she's gone. And I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Work all the summer, work all the fall. Had to take Christmas in my overalls, but now she's gone and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Summer day, she went away. She gone and left me. She gonna stay, but now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Down to the freight yard, catch me a freight train. I'm gonna leave this town, work down, go hard. But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top, 'cause I'm sitting on top, 'cause I'm sitting on top of the world. Voix sensuelle et jazzy, c'est bien sûr Sophie Borgeaux en 2007. Extrait de l'album The Best of Love. Thank you. like summer day will be delight with our baby, our dear Cherie. And now I don't worry, I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. Finaliste du tremplin 2009 Blues sur scène, Pantruche Poulette and the Pickle Pickers. Ils sont de l'Île-de-France, même peut-être bien de Montreuil, je crois bien. Pantruche Poulette. It was in the spring, one sunny day. Et maintenant, voici The Nightcrawler, aka Red, aka Olivier Lambin. C'est un musicien français de folk, de blues, d'expérimental, d'avant-garde. Puis il a joué dans pas mal de groupes, Hang Left Devil, etc. Enfin, je ne le connais pas, mais apparemment il a fait plein d'expériences très différentes. Mais là, c'est un blues qu'il reprend sur son album vinyle, paru en 2010. Was in the summer. Just a hint of wine, my little open home. But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Was in the spring, sunny, just when she left me, she's going to stay, but now she's gone, and I don't worry. Sitting on top of the world, need her to come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quit as you can a man. But now you're gone, and I don't worry, 'cause I'm sailing on top of the world. It have been days I didn't know your name. Why should I worry? I'm crying in vain. Now you're gone, I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Catch me if I dream. Walks down gone hard, and now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Some days they have gone by. Why should you beg me and say goodbye? But now you're gone, and I don't worry. Sitting on top of the world. Alors en début d'émission, vous avez pu entendre Litfoot Rivet. Eh bien là, ça va être la version en français. C'est-à-dire qu'en 1998, Litfoot Rivet a publié un album en anglais qui s'appelle Blues Maniac, avec Sitting on Top of the World, qu'on a écouté tout à l'heure. Et puis là, je vous propose la version en français, Hein, il a adapté tous les titres qu'il a proposés en anglais. Ben là, il l'a fait en français. L'album s'appelle Saint Blues et c'est donc En haut du monde. Donc si vous voulez avoir l'ensemble des chansons parues en 1998, il faut acheter un CD Bluesmaniac en anglais et le même en français qui s'appelle Saint Blues. Litfoot River. Chambre d'hôtel, juste tous les toits, soleil et poussière, je pense à toi, ça m'est presque égal que tout soit fini. Je pense à toi. presque égal que tout soit fini. Car tout en haut du monde, je suis assis. Et pour terminer ce Blues Covers consacré à Sitting on Top of the World, on ne pouvait pas passer à côté de la version de Cream en 1968 sur le magnifique double LP, comme on disait, le 33 tours vinyle, Wheels of Fire, avec un album studio et un album enregistré en public, live at the Fillmore. Là, c'est une version en studio qui est bizarrement créditée à Chester Burnett, c'est-à-dire Howling Wolf. Alors Cream, hein, vous le savez peut-être tous, mais je vous rappelle que c'était Jack Bruce à la basse, Ginger Baker à la batterie, Eric Clapton à la guitare. Pour les paroles, c'était souvent Pete Brone. Cream, extrait de Wheels of Fire. Bye bye et à la prochaine. but I don't worry. I'm sitting on top of the world. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.